Le devisement du monde de Marco Polo, lu par Christian pour audiocité.net. Livre 1er, chapitre 41. De la province de Khotam. La province de Khotam suit la province du Yarchan. Elle est située entre l'Orient et le Septentrion. Elle obéit au neveu du grand Khan. Elle a plusieurs villes et villages dont la capitale est appelée Khotam. Cette province peut avoir 8 journées de long et n'y manque rien de ce qui est nécessaire à la vie. Elle a beaucoup de soie et de très bonnes vignes en quantité. Les hommes n'y sont pas aguerris, mais fort adonnés au trafic et aux arts. Ils sont mahométans. Chapitre 42. De la province de Pem. En allant par la même plage, on trouve la province de Pem, Pai ou Bai, qui a environ 5 journées d'étendue. Elle est sujette du Grand Khan et renferme plusieurs villes et villages. La capitale s'appelle Pem, qui est arrosée par une rivière où l'on trouve des pierres précieuses, à savoir du jaspe et des chalcédoines. Les habitants de ce pays-là révèrent Mahomet et sont fort adonnés aux arts et au trafic. Ils ont de la soie en abondance, de même que toutes les choses nécessaires à la vie. C'est une coutume dans cette province que quand un homme marié est obligé pour quelque affaire d'aller en voyage et qu'il demeure 20 jours dehors, il est permis à la femme de prendre un autre mari, et le mari peut à son tour épouser une autre femme sans que cela fasse aucune difficulté. Chapitre 43. De la province de Siartiam. Après cela, on vient à la province de Siartiam, Karachar, qui est sujette du Grand Khan et qui renferme beaucoup de villes et de châteaux. La ville capitale est appelée du nom de la province. On y trouve dans plusieurs rivières beaucoup de pierres précieuses, surtout des jaspes et des chalcédoines, que les marchands portent à la province de Kathé, Chine orientale. La province de Siartiam est fort sablonneuse, ayant plusieurs eaux amères, ce qui rend la terre stérile. Quand quelque armée étrangère passe par ce pays-là, tous les habitants s'enfuient dans le pays voisin avec leurs femmes, leurs enfants, leurs bêtes et leurs meubles, où ils trouvent de bonnes eaux et des pâturages, et ils y demeurent jusqu'à ce que l'armée soit passée. Quand ils s'enfuient ainsi, le vent efface tellement leurs vestiges sur le sable que les ennemis ne peuvent y rien connaître. Mais si c'est l'armée des Tartares auxquels ils sont sujets, ils ne s'enfuient pas. Ils transportent seulement leur bétail dans un autre lieu, de peur que les Tartares ne s'en saisissent. En sortant de cette province, il faut passer pendant 5 jours au travers des sables, où l'on ne trouve presque point d'eau, si ce n'est amer, jusqu'à ce que l'on arrive à une ville nommée Lop. Et remarquez que toutes les provinces dont nous avons parlé jusqu'ici, à savoir Kassar, Yarchan, Khotam, Pem et Siartiam, jusqu'à la dite ville de Lop, sont mises entre les limites de la Turquie. Chapitre 44. De la ville de Lop et d'un fort grand désert. Lop est une grande ville à l'entrée d'un grand désert, située entre l'Orient et le Septentrion. Les habitants sont mahométans. Les marchands qui veulent traverser le grand désert doivent s'y pourvoir de vivres. Ils s'y reposent pour cet effet pendant quelque temps pour acheter des mulets ou de forts ânes, pour porter leurs provisions, et à mesure que les provisions diminuent, ils tuent les ânes ou les laissent en chemin, faute de pouvoir les nourrir dans ce désert. Ils conservent plus aisément les chameaux parce que, outre qu'ils mangent fort peu, ils portent de grosses charges. Les voyageurs rencontrent quelquefois dans ce désert des eaux amères, mais plus souvent de douces, en sorte qu'ils en ont tous les jours de nouvelles pendant les 30 jours qu'il faut au moins employer pour le passer. Mais c'est quelquefois en si petite quantité qu'à peine y en a-t-il suffisamment pour une bande raisonnable de voyageurs. Ce désert est fort montagneux, et dans la plaine, il est fort sablonneux. Il est en général stérile et sauvage, ce qui fait qu'on n'y voit aucune habitation. On y entend quelquefois, et même assez souvent pendant la nuit, diverses voix étranges. Les voyageurs, alors, doivent bien se donner de garde de se séparer les uns des autres ou de rester derrière. Autrement, ils pourraient aisément s'égarer et perdre les autres de vue à cause des montagnes et des collines, car on entend là des voix de démons qui appellent dans ces solitudes les personnes par leur propre nom, contrefaisant la voix de ceux qu'ils savent être de la troupe, pour détourner du droit chemin et conduire les gens dans le précipice. On entend aussi quelquefois en l'air des concerts d'instruments de musique, mais plus ordinairement le son des tambourins. Le passage de ce désert est fort dangereux. Chapitre 45. De la ville de Sachion et de la coutume qu'on observe de brûler les corps morts. Après avoir traversé le désert, on vient à la ville de Sachion, qui est à l'entrée de la grande province de Tanguin, dont les habitants sont idolâtres, quoiqu'il s'y trouve quelques chrétiens nestoriens. Ils ont un langage particulier. Les habitants de cette ville ne s'adonnent point aux négoces, mais vivent des fruits que la terre produit. Il y a plusieurs temples consacrés aux idoles, où l'on offre les sacrifices aux démons, qui sont fort honorés par le commun peuple. Quand il naît un fils à quelqu'un, aussitôt, il le voue à quelque idole et nourrit pendant cette année-là un bélier dans sa maison, lequel il présente avec son fils au bout de l'an à cette idole, ce qui se pratique avec beaucoup de cérémonie et de révérence. Après cela, on fait cuire le mouton et on le présente encore à l'idole. Il demeure sur l'autel jusqu'à ce qu'ils aient achevé leurs infâmes prières, suivant la coutume. Surtout le père de l'enfant prie l'idole avec beaucoup d'instance de conserver son fils qu'il lui a dédié. Au reste, voici comme ils en usent à l'égard des morts. Les plus proches du mort ont soin de faire brûler les corps, ce qui se fait en cette manière. Premièrement, ils consultent les astrologues pour savoir quand il faut jeter les corps au feu. Alors, ces fourbes s'informent du mois, du jour et de l'heure que le mort est venu au monde et, ayant regardé sous quelle constellation, ils désignent le jour qu'on doit brûler le corps. Il y en a d'autres qui gardent le mort pendant quelques jours, quelquefois jusqu'à 7 jours et même jusqu'à 1 mois. Quelques-uns le gardent pendant 6 mois, lui faisant une demeure dans leur maison, dont ils bouchent toutes les ouvertures si adroitement qu'on ne sent aucune puanteur. Ils embaument le corps avec des parfums et couvrent la niche qu'ils ont auparavant peinte et enjolivée de quelque étoffe précieuse. Pendant que le cadavre est à la maison, tous les jours, à l'heure du dîner, on met la table près de la niche qui est servie de viandes et de vin, laquelle reste ainsi dressée pendant 1 heure parce qu'ils croient que l'âme du mort mange de ce qui a été ainsi servi. Et quand on doit transférer le corps, les astrologues sont de nouveau consultés pour savoir par quelle porte on doit le faire sortir, car si quelque porte du logis se trouvait avoir été bâtie sous quelque influence maligne, ils disent qu'on ne doit pas s'en servir pour faire passer le corps. Ils en indiquent une autre, ou ils en font faire une autre. Or, pendant qu'on fait le convoi par la ville, on dresse dans le chemin des échafauds qui sont couverts d'étoffes d'or et de soie. Et quand le cadavre passe, ils répandent par terre d'excellents vins et des viandes exquises, s'imaginant que le mort s'en réjouit dans l'autre monde. Des concerts de musique et d'instruments précèdent le convoi. Et lorsqu'on est arrivé au lieu où le corps doit être brûlé, ils désignent et peignent sur des feuilles de papier diverses figures d'hommes et de femmes, et même de plusieurs pièces de monnaie, toutes lesquelles choses sont brûlées avec le corps. Ils prétendent en cela que le mort aura en l'autre monde en réalité tout ce qui était peint sur ces papiers, et qu'il vivra avec cela heureux et honoré éternellement. La plupart des païens observent cette superstition en Orient lorsqu'ils brûlent les corps de leurs morts. Chapitre 46. De la province de Kamoul. Kamoul, Kamil, est une province renfermée dans la grande province de Tangut. Elle est sujette du Grand Khan, comprenant plusieurs villes et villages. Kamoul est voisine de 2 déserts, à savoir le Grand, dont nous avons parlé ci-dessus, et un autre, plus petit. Cette province abonde en tout ce que l'homme peut souhaiter pour la vie. Les habitants ont une langue particulière, et semble n'être né que pour se donner du bon temps. Ils sont idolâtres et adorent les démons qui les portent à cela. Quand quelques voyageurs s'arrêtent pour loger dans quelque endroit, le maître de la maison le reçoit avec joie et ordonne à sa femme et toute sa famille d'en avoir bien soin, de lui obéir en tout et de ne le point mettre dehors tant qu'il voudra rester dans sa maison. Pour lui, il va loger ailleurs et ne retourne point chez lui que son hôte ne soit parti. Pendant ce temps, la femme obéit à l'hôte comme à son propre époux. Chapitre 47 de la province de Chinchin-Talas. Après la province de Kamoul, on trouve celle de Chinchin-Talas, qui est bornée au septentrion par un désert et peut avoir en longueur environ 16 journées de chemin. Elle est sujette du Grand Khan. Elle comprend plusieurs villes et beaucoup de châteaux. Le peuple est divisé en trois sectes. Il y a peu de chrétiens qui sont nestoriens. Les autres sont mahométans ou idolâtres. Il y a dans cette province une montagne où l'on trouve des mines d'acier et d'eau d'anique, de même des salamandres dont on fait des étoffes, lesquelles, étant jetées dans le feu, ne sauraient être brûlées. Cette étoffe se fait de terre, de la manière, je vais dire, et que j'ai apprise d'un de mes compagnons, nommé Curcifar, de la province de Turchie, homme de beaucoup d'esprit qui a eu le commandement des mines d'où on les tire en cette province-là. On trouve, sur cette montagne, certaines mines de terre qui produisent des filets ayant aspect de laine, lesquels, étant desséchés au soleil, sont pilés dans un mortier de cuivre. Ensuite, on les lave, ce qui emporte toute la terre. Enfin, ces filets ainsi lavés et purifiés sont filés comme de la laine, et ensuite, on en fait des étoffes. Et quand ils veulent blanchir ces étoffes, ils les mettent dans le feu pendant une heure. Après cela, elles en sortent blanches comme neige et sans être aucunement endommagées. C'est de cette manière aussi qu'ils ôtent les taches sur ces étoffes, car elles sortent du feu sans aucune souillure. À l'égard du serpent, ou lézard nommé salamandre, que l'on dit qu'il vit dans le feu, je n'ai pu rien apprendre dans les pays orientaux. On dit qu'il y a à Rome une nappe d'étoffes de salamandre, où le sueur de notre Seigneur est enveloppé, de laquelle un certain roi des Tartares a fait présent au souverain pontife. Chapitre 48 de la province de Souchour. Ayant laissé derrière soi la province de Chinchin-Talas, on prend un chemin qui mène à l'Orient, environ de 10 journées de suite, où l'on ne trouve aucune habitation, si ce n'est en peu d'endroits, après quoi l'on entre dans la province de Souchour, Souchéou, où l'on trouve beaucoup d'habitations et de villages. La capitale s'appelle aussi Souchour. Dans cette province, la plus grande partie des habitants est idolâtre, il y a quelques chrétiens. Ils sont tous sujets du Grand Khan. Ils ne trafiquent point et se contentent de vivre de fruits que la terre produit. On trouve dans les montagnes de cette province de la rhubarbe que l'on transporte par toute la terre. Chapitre 49 de la ville de Campition. Campition, Kanchiou, est une ville grande et célèbre. Elle commande au pays de Tangut. Ses habitants sont partie chrétiens, partie mahométans et partie idolâtres. Ces derniers ont plusieurs monastères où ils adorent leurs idoles, qui sont faites de terre, de bois ou de boue, dorées par-dessus. Il y en a de si grandes qu'elles ont 10 pas de long, auprès desquelles il y en a de plus petites, qui sont dans une posture respectueuse. Les idoles ont leurs sacrificateurs et leurs religieux qui, en apparence, vivent plus régulièrement que les autres, car plusieurs gardent le célibat et s'attachent à l'observation de la loi de leur Dieu. Ils comptent leur année par lune, aussi bien que leur mois et leur semaine. Dans ces lunes, ils s'abstiennent, pendant 5 jours, de tuer ni bêtes ni oiseaux, et de manger aucune viande. Ils vivent aussi pendant ces jours-là, plus exactement. Les idolâtres ont en cette ville une coutume que chacun peut avoir autant de femmes qu'il en peut nourrir. La première est seulement la plus estimée et passe pour la plus légitime. Le mari ne reçoit point de dot de sa femme, mais il lui en assigne une en bestiaux, en argent, en serviteurs, suivant ses moyens. Si un homme se dégoûte de sa femme, il lui est permis de la répudier. Enfin, cette nation regarde comme permise bien des choses que nous regardons comme de grands péchés. Ils vivent en beaucoup de choses comme les bêtes, car j'ai eu le temps de connaître leurs mœurs, ayant demeuré dans cette ville avec mon père et mon oncle pendant un an pour quelques affaires. Chapitre 50 De la ville d'Ézina et d'un autre grand désert. De la ville de Campition jusqu'à Ézina, il y a 12 journées. Cette dernière est bordée au septentrion par un désert sablonneux. Il y a beaucoup de chameaux et plusieurs autres animaux et des oiseaux de divers genres. Les habitants sont idolâtres, négligeant le négoce et vivant des fruits que la terre produit. Les voyageurs se pourvoient en cette ville de provisions quand ils veulent traverser ce grand désert dont nous avons parlé, lequel ne peut se passer en moins de 40 jours. On ne trouve en ce désert aucune sorte d'herbe, ni aucune habitation, si ce n'est quelques cabanes dans certaines montagnes et vallées, où quelques hommes se retirent pendant l'été. On trouve aussi, en quelques endroits, des bêtes sauvages, surtout des ânes, qui sont en grand nombre. Au reste, toutes les susdites provinces dépendent de la grande province de Tangut. Chapitre 51 De la ville de Karakorum et de l'origine de la puissance des Tartares. Après avoir passé le grand désert ci-dessus, on vient à la ville de Karakorum du côté du septentrion, d'où les Tartares ont pris leur origine. Car ils ont premièrement habité dans les campagnes de ce pays-là, n'ayant encore ni ville ni village, et campant seulement où ils trouvaient des pâturages et de l'eau pour nourrir leur bétail. Ils n'avaient point non plus de prince de leur nation, mais ils étaient tributaires d'un certain grand roi nommé Uncham, que l'on appelle communément aujourd'hui le grand prêtre Jean. Mais, s'accroissant de jour en jour et devenant plus fort, le roi Uncham commença à appréhender qu'ils ne se révoltassent contre lui. Pour empêcher leur trop grande puissance, il résolut de les séparer et de leur assigner différents pays pour se retirer. Mais les Tartares, ne voulant point se séparer, se retirèrent tous dans un désert du côté du septentrion, occupant un grand pays, dans lequel ils crurent qu'ils seraient en sûreté, ne craindraient plus leur roi, auquel ils refusèrent dès lors de payer tribut. Chapitre 52 Les Tartares élisent un roi d'entre eux, lequel fait la guerre au roi Uncham. Quelques années après, les Tartares élurent un roi d'un consentement unanime. C'était un homme sage et prudent nommé Chinchi. Ils lui mirent la couronne sur la tête l'an de notre Seigneur 1187. Alors, tous ceux de la nation accoururent de toutes parts et promirent volontairement de lui rendre obéissance et soumission. Ce roi, qui, comme j'ai dit, était prudent, gouvernait sagement ses sujets et, en peu de temps, soumis à son empire 8 provinces. Et quand il prenait quelques villes ou quelques châteaux, il défendait de tuer personne, ni de lui ôter son bien, lorsqu'on se soumettait de bon gré à sa domination. Ensuite, il s'en servait pour soumettre d'autres villes. Cette humanité le fit aimer extrêmement de tout le monde, de sorte que, voyant sa gloire suffisamment bien établie, il envoya des députés au roi Uncham, auquel il payait autrefois tribut, pour le prier de lui donner sa fille en mariage. Mais Uncham, fort indigné du message, lui fit réponse avec beaucoup d'aigreur qu'il aimerait mieux faire brûler sa fille que de la donner en mariage à un de ses esclaves. Et, ayant chassé les députés, il leur dit « Allez, dites à votre maître, puisqu'il est aussi insolent pour demander la fille de son maître en mariage, qu'il n'espère pas cela, car je la ferai plutôt mourir que de la lui donner. » Chapitre 53 Le roi Uncham est vaincu par les Tartares. Le roi Chinchi, ayant entendu cette réponse, assembla une grande armée et se disposa à la guerre contre le roi Uncham dans le dessein de tirer raison de cet affront et alla se camper dans une plaine nommée Tanduk et lui envoya déclarer qu'il eut à se défendre. Lequel vint aussitôt à la tête d'une très grande armée et s'alla camper tout près des Tartares. Alors Chinchi, roi des Tartares, ordonna aux enchanteurs et aux astrologues de lui dire quel événement le combat devait avoir. Alors, les astrologues, rompant un roseau en deux morceaux, les posèrent à terre, donnant le nom d'une chame à l'un de ces morceaux et à l'autre celui de Chinchi. Et puis, ils dirent au roi, « Sire, pendant que nous ferons les invocations des dieux, il arrivera par leur puissance que ces deux morceaux de roseau se choqueront l'un à l'autre et celui qui montera sur l'autre marquera quel roi sera victorieux dans ce combat. » Une grande multitude de monde étant accourue à ce spectacle, les astrologues commencèrent leurs prières et leurs enchantements, et aussitôt, les morceaux du roseau commencèrent aussi à se mouvoir et à se combattre l'un contre l'autre, jusqu'à ce que celui qui avait le nom de Chinchi prit le dessus sur celui qui avait été nommé Uncham. Ce que les Tartares ayant vu, ils furent par là comme assurés de la victoire. Le combat se donna donc le troisième jour, et après un grand carnage de part et d'autre, la victoire demeura à la fin au roi Chinchi, d'où il arriva que les Tartares subjuguèrent le royaume d'Uncham. Chinchi régna encore 6 ans après la mort d'Uncham, pendant lesquels il conquit plusieurs provinces. Mais à la fin, en assiégeant un certain château et s'étant approché de trop près, il fut atteint d'une flèche au genou dont il mourut. Il fut enterré sur une montagne nommée Altaï, où tous ceux de sa race et tous ses successeurs ont depuis choisi leur sépulture, et on y transporte leur corps quand ils seraient à 100 journées de là. Chapitre 54. Suite des rois tartares et de leur sépulture sur la montagne d'Altaï. Le premier roi des Tartares fut appelé Chinchi, le second Guy, le troisième Barchim, le quatrième Allo, le cinquième Mangou, le sixième Kubilai, qui règne présentement et dont la puissance est plus grande que celle de tous ses prédécesseurs. Car, si tous les royaumes des chrétiens et des turcs étaient joints ensemble, à peine égalerait-il l'empire des Tartares, ce que l'on verra plus clairement en son lieu lorsque je ferai la description de sa puissance et de son domaine. Or, quand on transporte le corps du grand Khan pour l'enterrer sur la montagne d'Altaï, ceux qui accompagnent le convoi tuent tous ceux qu'ils rencontrent sur le chemin, leur disant « Allez servir notre Seigneur et Maître en l'autre monde. » Car ils sont tellement possédés du démon qu'ils croient que ces gens institués vont servir le roi des feux en l'autre vie. Mais leur rage ne s'étend pas seulement sur les hommes, mais aussi sur les chevaux qu'ils égorgent quand ils se trouvent sur leur passage, croyant qu'ils doivent aussi servir au roi mort. Quand le corps du grand Khan Mangou, prédécesseur de celui-ci, fut mené sur la montagne d'Altaï pour être inhumé, les soldats qui le conduisaient ont rapporté avoir tué de cette manière environ 20 000 hommes. Chapitre 55. Des mœurs et coutumes les plus générales des Tartares. C'est une chose permise et honnête parmi eux d'avoir autant de femmes qu'on en peut nourrir, et de prendre pour femmes leurs plus proches parents, excepté leurs sœurs, jusqu'à la belle-mère si le père est mort. La première des femmes est la plus honorée. Il est permis d'épouser la veuve de son frère. Les hommes ne reçoivent point de dot de leurs femmes, mais en donnent aux femmes et à leurs mères. Les Tartares ont beaucoup d'enfants à cause de cette pluralité de femmes, et le grand nombre de ces femmes n'est pas à charge au pays parce qu'elles sont fort laborieuses. Elles sont premièrement fort soigneuses du ménage et de préparer le boire et le manger. Les hommes vont à la chasse et ne s'attachent qu'au dehors et à l'exercice des armes. Les Tartares nourrissent de grands troupeaux de bœufs, de moutons et d'autres bestiaux et les conduisent dans les lieux où il y a des pâturages. En été, ils vont sur les montagnes pour y chercher la fraîcheur des bois et des pâturages et en hiver, ils se retirent dans les vallées où ils trouvent de la nourriture pour leurs bêtes. Ils ont des cabanes faites comme des tentes et couvertes de feutres qu'ils portent partout avec eux, car ils peuvent les plier, les tendre, les dresser et les détendre à leur fantaisie. Ils les dressent de manière que la porte regarde toujours le midi. Ils ont aussi des espèces de chariots couverts de feutres dans lesquels ils mettent leurs femmes, leurs enfants et tous leurs ustensiles, où ils sont à couvert de la pluie et qui sont traînés par des chameaux. Chapitre 56. Des armes et des vêtements des Tartares. Les armes dont les Tartares se servent au combat ne sont point de fer, mais faites de cuir fort et dur, tels que le cuir des buffles et des autres animaux qui ont le dos le plus dur. Ils sont fort adroits à tirer de l'arc, y étant exercés de leur jeunesse. Ils se servent aussi de clous et d'épées, mais cela est rare. Ceux qui sont riches sont habillés de vêtements de soie et d'or, qui ont des doublures de fines peaux de renard et d'herménine, et d'autres animaux appelés vulgairement zibelines, qui sont les plus précieuses de toutes. Chapitre 57. Du manger des tartares. Les tartares se nourrissent de viande fort grossière. Leurs mets plus ordinaires sont la viande, le lait et le fromage. Ils aiment fort la venaison des animaux purs ou immondes, car ils mangent la chair des chevaux et de certains reptiles qui sont chez eux en abondance. Ils boivent le lait des cavales, qu'ils préparent de telle manière que l'on prendrait pour du vin blanc et qui n'est pas une boisson trop mauvaise. Ils l'appellent chouini. Chapitre 58. De l'idolâtrie et des erreurs des tartares. Les tartares adorent pour Dieu une certaine divinité qu'ils se sont forgée eux-mêmes, qu'ils appellent Natagé. Ils croient qu'il est le dieu de la terre et qu'il prend soin d'eux, de leurs enfants, de leurs troupeaux et des fruits de la terre. Ils ont ce dieu en grande vénération, il n'y a point qui n'ait dans sa maison son image. Et parce qu'ils croient que Natagé a une femme et des enfants, ils mettent auprès de son image des petites représentations de femmes et d'enfants, à savoir l'image d'une femme à sa gauche, et les images d'enfants devant la face de l'idole. Ils portent beaucoup de respect à ces idoles, surtout avant le dîner et avant le souper, car alors, avant de manger, ils oignent la bouche de leurs images, de la graisse des viandes qui sont sur la table, et en mettent une partie en dehors de la maison en leur honneur, croyant que leurs dieux vont manger leur offrande. Après quoi, ils mangent le surplus. Si un tartare perd un fils qui n'a jamais été marié, et qu'il meurt en même temps une fille à un autre, les parents de l'un et de l'autre s'assemblent et font le mariage des deux morts. Après avoir dressé le contrat, ils peignent le garçon et la fille sur un papier et, après avoir réuni quelque argent et quelques ustensiles et meubles, ils font brûler le tout, croyant fermement que les morts sont mariés ensemble en l'autre monde. Ils font aussi en cette occasion de grands festins dont ils répandent une partie du manger par terre çà et là, croyant que les mariés y participent et mangent ce qui a été répandu. C'est pourquoi les parents sont aussi persuadés de la réalité de ce mariage que s'il avait été fait pendant la vie de l'un et de l'autre. Chapitre 59. De la valeur et de l'industrie des tartares. Les tartares sont belliqueux et courageux dans les armes et infatigables dans le travail. Ils ne sont ni mous, ni efféminés, n'étant point accoutumés aux délices. Mais ils sont endurcis à la fatigue et supportent facilement la faim. Il arrive souvent qu'ils seront un mois sans manger autre chose que du lait des juments et la chair des bêtes qu'ils prennent à la chasse. Leurs chevaux, même, quand ils vont à la guerre, n'ont point d'autre nourriture que l'herbe des champs, en sorte que cette nation est fort laborieuse et se contente de peu. Lorsqu'ils vont faire quelque expédition dans quelque pays éloigné, ils ne portent point d'autre équipage que leurs armes et de petites tentes pour se mettre à l'abri lorsqu'il pleut. Chacun porte aussi deux petits vases. Dans l'un, ils mettent leur lait, l'autre est pour cuire leur viande. Mais lorsqu'ils veulent faire une prompte marche, ils prennent leur lait, dont ils font une espèce de pâte, quand il est coagulé, et qui leur sert de boire et de manger. Chapitre 60. De la justice et des jugements des tartares. Voici comment ils punissent les criminels. Si quelqu'un a volé une chose de peu de valeur et ne mérite pas la mort, il est fouetté de 7 coups de verge, ou de 17, de 27, et quelquefois de 47, proportionnant le nombre des coups à la grandeur du crime, ce qui va quelquefois jusqu'à 100, ajoutant toujours 10. En sorte que parfois, la mort s'ensuit. Mais si quelqu'un a volé un cheval ou autre chose qui mérite la mort, on lui ouvre le ventre. Si toutefois il a de quoi racheter sa vie, il doit réparer le vol en payant 9 fois la valeur. C'est pourquoi ceux qui ont des chevaux, des bœufs, des chameaux, se contentent de les marquer au poil avec un fer chaud et les envoient sans aucune garde à la pâture. Ils font seulement garder les petits animaux par des pasteurs. Ce furent là les premières coutumes des Tartares, mais comme ils ont été depuis mêlés à différentes nations, ils ont beaucoup dégénéré de leurs premières lois et se sont assujettis à celles des peuples avec lesquels ils se sont trouvés. Chapitre 61. Des campagnes de Barbou et des îles qui sont à l'extrémité du Septentrion. Nous nous sommes un peu arrêtés aux coutumes et mœurs des Tartares. Maintenant, nous continuerons à faire la description des autres provinces de l'Orient en suivant le même ordre que nous avons tenu ci-devant. Ayant laissé la ville de Karakorum et la montagne d'Altéi du côté du Septentrion, on vient aux campagnes de Bargou, qui ont 40 journées de long. Les habitants de ces cantons s'appellent narquistes et obéissent au grand khan, observant les coutumes des Tartares. Ce sont des hommes sauvages et qui ne vivent que de leur chasse. Ils prennent particulièrement des cerfs, qui sont en abondance, et qu'ils savent si bien apprivoiser qu'ils s'en servent comme des chevaux et des ânes. Ils n'ont ni blé, ni vin. En été, ils s'exercent beaucoup à la chasse des oiseaux et des animaux sauvages, dont ils mangent la chair pendant l'hiver, car, pendant cette saison, ils sortent du pays à cause de la rigueur du froid. Après avoir quitté ces campagnes et cheminé pendant 40 journées sur l'Orient et un peu au Septentrion, on trouve l'océan, sur les montagnes duquel les faucons ont coutume de faire leur nid quand ils doivent passer la mer. On prend là ces faucons et on les porte à la cour du Grand Khan. Il y a dans ces parties septentrionales quelques îles qui avancent si près du Septentrion que l'étoile de Tramontane, la Polaire, y demeure quelque peu visible à midi. Chapitre 62. Du pays des Régimoules, de la ville de Singhi. Il nous faut retourner ici à la ville de Campision, dont nous avons parlé un peu plus haut, afin de prendre de là notre route pour parcourir les autres provinces qui nous restent à décrire. En partant donc de Campision et marchant du côté de l'Orient par l'espace de 5 journées de chemin, on entend dans les lieux à moitié chemin des voix horribles de démons pendant la nuit, jusqu'à ce qu'on ait atteint le royaume des Régimoules, qui est un grand royaume sujet du Grand Khan. On trouve là des chrétiens nestoriens, des mahométans, des idolâtres. Il y a beaucoup de villes et de châteaux. De là, si l'on avance entre l'Orient et le Midi, on vient à la province de Cathay. Il y a cependant entre le royaume de Cathay et celui de Sergout une ville nommée Singhi, Siningfu, qui est tributaire du Grand Khan, dont les habitants professent aussi les trois susdites sectes. On trouve là des bœufs sauvages, très beaux et grands, comme des éléphants, ayant le poil noir et blanc de la longueur de 3 paumes. Il y a de ces bœufs que l'on apprivoise et dont on se sert comme d'autres bêtes de charge. D'autres, étant mis à la charrue, font en peu de temps beaucoup de travail. On recueille en cette province le plus excellent musc qui soit en tout le monde, car il y a en ce pays-là un certain bel animal de la grandeur d'une gazelle, ayant le poil épais comme le cerf et les pieds de même. Il n'a que 4 dents, 2 en haut et 2 en bas, qui sont longues de 3 travers de doigts en dessous de ses lèvres. Or, il a près du nombril, entre cuir et chair, une vessie pleine de sang, lequel sang est ce musc agréable et précieux. Les habitants sont idolâtres, adonnés à leur sens, gras de corps et ayant un fort petit nez, et se laissant croître le poil sur les lèvres. Les femmes sont blanches et belles. Quand les hommes veulent se marier, ils cherchent plutôt la beauté que la noblesse ou la richesse. D'où il arrive souvent qu'un grand seigneur épousera une pauvre fille, mais qui sera belle, et assignera de quoi vivre à sa mère. On trouve là beaucoup de négociants et d'artisans. Cette province peut avoir 25 journées de long et est fort fertile. Il y a une grande quantité de faisans qui ont la queue de 8 ou 10 paumes de long. Et on y trouve aussi plusieurs sortes d'oiseaux d'un très beau plumage mêlés de diverses belles couleurs. Chapitre 63. De la province des Grigaya. En allant plus avant vers l'Orient et après avoir fait 7 journées, on rencontre la province des Grigaya, où il y a beaucoup de villes et de châteaux. Elle dépend de la grande province de Tangut, dont la ville capitale s'appelle Kalasia. Les habitants sont idolâtres, excepté quelques chrétiens nestoriens, qui ont trois églises. Ils sont tous sujets du Grand Khan. On trouve dans la ville de Calassia des draps qu'on appelle camelots, qui sont faits de laine blanche et de poils de chameau, et qui sont aussi beaux qu'on en puisse trouver dans tout le monde. Ce qui fait que les négociants les transportent en divers pays. Chapitre 64. De la province de Tudush, de Gog et Magog, et de la ville des Cyanigadiens. En sortant de la province des Grigaïa et allant vers l'Orient, le chemin conduit à la province de Tudush, qui contient beaucoup de villes et de châteaux, et où ce grand roi, renommé par toute la terre sous le nom vulgaire de prêtre Jean, faisait autrefois sa résidence. Mais à présent, ce province paye tribut au grand Khan. Elle a un roi qui est de la race du grand prêtre Jean. Au reste, tous les grands Khans, depuis la mort de celui qui fut tué dans le combat qu'il donna contre Chinchi, ont toujours donné leur fille en mariage à ces rois-là. Et quoi qu'il y ait dans le pays quelques idolâtres et quelques mahométans, cependant, la plus grande partie des habitants de la province sont chrétiens, et les chrétiens tiennent le premier rang dans la province, surtout parmi une certaine nation nommée Argon, qui surpasse les autres peuples en capacité et en excellence. Il y a aussi deux cantons, nommés Gog et Magog. On trouve dans ces pays la pierre nommée lazuli, dont on fait d'excellent azur. On y fait aussi des étoffes de poils de chameau, qui sont très bonnes, de même que des étoffes de soie et d'or de plusieurs façons. Il y a là une ville nommée Sindakui, où l'on fait de très belles et bonnes armes de diverses sortes pour l'usage des gens de guerre. Il y a dans les montagnes de cette province de grandes mines d'argent et grandes quantités de bêtes sauvages pour la chasse. Le pays de montagne est appelé Idiza. À trois journées de la susdite ville, on en trouve une autre, nommée Cyaniganyurum, et où il y a un magnifique palais appartenant au grand Khan, et où il fait sa demeure quand il vient dans la ville. Il y vient souvent parce qu'il y a près de cette ville des marais où il y a de toutes sortes d'oiseaux, surtout des grues, des faisans, des perdrix et d'autres sortes. On prend ces oiseaux avec des griffalques, gerfaux ou faucons. Le roi y goûte un singulier plaisir. On y trouve de cinq sortes de grues. Quelques-unes ont les ailes noires comme les corbeaux. D'autres sont blanches ayant les plumes semées d'yeux de couleur d'or, comme nos pans. On en voit aussi comme chez nous. Il y en a d'autres plus petites, mais qui ont de longues plumes très belles de couleurs mêlées de rouge et de noir. La cinquième espèce est de couleur grise, ayant les yeux rouges et noirs, et celles-là sont fort grandes. Il y a près de cette ville une vallée où se voit quantité de cabanes dans lesquelles on nourrit un grand nombre de perdrix que l'on garde pour le roi lorsqu'il vient en cette ville. Chapitre 65. De la ville de Tiandou et de son bois et de quelques fêtes des Tartares. Il y a trois journées en avançant vers le septentrion de la ville de Cyaniganyurum jusqu'à celle de Tiandou, qui fut bâtie par le grand Khan Kubilai, lequel y fit construire un superbe palais de marbre enrichi d'or. Près de ce palais, il y a un parc royal fermé de murailles de toutes parts et qui a 15 000 de tours. Dans ce parc, il y a des fontaines et des rivières, des prairies et diverses sortes de bêtes comme cerfs, daims, chevreaux et des faucons que l'on entretient pour le plaisir et pour la table du roi lorsqu'il vient dans la ville, car il y vient souvent pour prendre le divertissement de la chasse. Il monte à cheval et mène avec lui un léopard apprivoisé qu'il lance sur les daims et qui, après avoir pris la bête, le porte au gerfaux, à quoi le roi trouve un fort grand plaisir. Au milieu du parc, il y a une maison bâtie avec des roseaux très magnifiques, étant dorés dehors et dedans, et remplie de belles peintures. Elle est bâtie avec tant d'industrie que la pluie n'y peut faire aucun dommage. Cette maison se peut porter partout comme une tente, car l'on soutient qu'elle est attachée avec 200 cordes de soie. Les roseaux dont elle est construite ont 15 pas de longueur et 3 pommes d'épaisseur. Tout en effet, les colonnes, les tables. Les assemblages et les couvertures. Les roseaux sont rompus à l'endroit des nœuds et chaque partie fendue donne comme deux petites gouttières par lesquelles la pluie s'écoule, ne causant aucun dommage. Le grand canne demeure là ordinairement pendant 3 mois de l'année, à savoir juin, juillet et août. Car cet endroit a un air fort sain, n'étant point exposé aux ardeurs du soleil. Pendant ces 3 mois, la maison demeure sur pied, et le reste du temps, elle est pliée et serrée. Le roi part de la ville de Siandou le 28 août et va à un autre endroit pour faire un sacrifice solennel à ses dieux et leur demander la continuation de la vie et de la santé pour lui, pour ses femmes, ses enfants et ses bestiaux, car il a une grande quantité de chevaux blancs et de cavales blanches. On en fait monter le nombre jusqu'à 10 000 et plus. Or, pendant cette fête, on prépare du lait de cavale dans de beaux vases. Et le roi, de ses propres mains, le verse par terre çà et là, s'imaginant, instruit à cela par ses magiciens, que les dieux boivent ce lait répandu et que cela les engage à prendre soin de tous ses biens. Après ce sacrifice, le roi boit lui-même de ce lait des cavales blanches et il n'est permis à personne d'en boire ce jour-là, à moins qu'il ne soit de la maison royale, excepté un certain peuple de ces cantons-là, nommé Auriac, qui a aussi ce privilège à cause d'une grande victoire qu'il remporta pour le service du grand khan Chinchi. Cette coutume est observée des Tartares depuis un temps immémorial, le 28e jour d'août. Et de là vient aussi que les chevaux blancs et les cavales blanches sont en grande vénération parmi le peuple. On mange aussi dans cette province de la chair humaine prise sur ceux qui ont été exécutés à mort pour leur crime, car pour ceux qui meurent de maladie, on ne les mange point. Le grand khan a des magiciens qui, par leur art diabolique, obscurcissent l'air et y excitent des tempêtes, ne laissant la clarté de la lumière que sur le palais royal. Ces magiciens, par le même art, font, lorsque le roi est à table, que les vases d'or où il boit se transportent d'eux-mêmes sur la table où il est, d'une autre table qui est au milieu d'une cour et qui sert de buffet. Ils disent qu'ils font tout cela par une vertu secrète. Et cela peut être vu des milliers de personnes présentes. N'y a-t-il pas d'ailleurs en nos pays ces savants nécromanciens qui vous diront que ces choses sont très faisables? Quand ils célèbrent les fêtes de leurs idoles, le roi leur donne des béliers qu'ils offrent à leurs dieux, brûlant plusieurs bois d'aloès et d'encens sacrifice de bonne odeur. Après quoi, ils font cuire la chair du bélier et la présentent à manger à leurs idoles avec des cris de réjouissance. Et en répandant le jus par terre devant eux, assurant que par là ils obtiennent de la clémence de leur dieu la fertilité de la terre. Chapitre 66. De quelques moines idolâtres. On trouve en ce pays-là plusieurs moines dévoués au service des idoles. Ils ont un grand monastère de la grandeur à peu près d'un village, contenant environ 2 000 moines, qui vivent au service des idoles, étant habillés et rasés d'une manière différente des autres, car ils se rasent la tête et la barbe et portent un habit religieux. Leur occupation est de chanter, ou plutôt de beugler, aux fêtes des idoles. Ils allument plusieurs cierges dans le temple et font plusieurs autres cérémonies ridicules et extravagantes. Il y a en d'autres endroits d'autres moines idolâtres dont quelques-uns ont plusieurs femmes. D'autres gardent le célibat à l'honneur de leur dieu et mènent une vie austère, car ils ne mangent rien que du son bouilli dans l'eau. Ils sont aussi vêtus de bures de couleur obscure. Ils couchent sur des planchers fort froids. Cependant, les autres moines, qui mènent une vie plus relâchée, regardent comme hérétiques ceux qui mènent une vie si austère, disant qu'ils n'en ont point Dieu comme il faut.